Le Comité national nigérian d'études du kimilsonisme kimjibilisme a inséré dans son page d'internet une lettre historique du maréchal Kim Jong-un, devoir de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il à l'époque actuelle et tâche des organisations syndicales, envoyée aux participants à la 5e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée.